Le carton D, par Édouard ou Orliac. Dès que les tribunaux révolutionnaires furent établis en 1793, M. Duportail fut porté sur les premières listes de suspects à saisir et à juger, si l'on peut appeler jugement la formule expéditive qui envoyait les victimes de la conciergerie à l'échafaud. M. Duportail avait bien les titres à la proscription. Il était employé aux fermes, riche, honnête homme et d'un esprit distingué. Notez qu'il venait d'épouser depuis 3 ans à peine une femme qu'il aimait passionnément, une Espagnole, qu'il avait ramenée des colonies, et dont il avait 2 enfants. Beauté, richesse, bonheur, tendresse mutuelle, tous les biens de ce monde semblaient être dans cette maison quand la révolution éclata. Prévenu à temps par des gens qui s'intéressaient à lui, M. Duportail put quitter son domicile où les agents révolutionnaires vinrent inutilement pour le prendre. Il s'était réfugié chez un vieux domestique de son père qui demeurait dans les faubourgs. Le même jour, sa femme vint le trouver dans son refuge. Il s'attendait à la voir épouvantée par la terrible visite des hommes à pic. Elle lui dit tranquillement « Il faut partir. Une voiture de poste vous viendra prendre ici près. Vous m'y trouverez avec les enfants et nous irons chez nos parents, à Bordeaux, d'où il ne sera aisé de nous embarquer au moindre péril. » Cette courageuse femme avait dans la journée ramassé l'argent et les bijoux de la maison, réglé les plus pressantes affaires et tout disposé pour un départ soudain qui lui semblait avec raison le plus sûr moyen de salut. Monsieur Duportail l'embrasse et toutefois regrette de quitter Paris si vite. Il laisse voir qu'il s'est peut-être trop effrayé, qu'on n'a rien à lui reprocher, que d'ailleurs c'est une bourrasque passagère, que la phase des affaires va bientôt changer. Sa femme l'interrompt, le presse, le conjure au nom de leurs enfants et lui arrache la promesse de partir le lendemain avec elle. Le soir, M. Duportail entendit compter parmi les gens du peuple qui habitaient la maison qu'on visitait exactement aux barrières les voitures qui sortaient de Paris et qu'on avait ainsi arrêté au passage quantité de nobles qui voulaient émigrer. Sa femme lui avait apporté 2 passeports, mais il n'en était pas plus tranquille. Toute la nuit, il rêva aux difficultés d'affronter ce passage avec sa femme. Il songe au péril qui lui fait courir. Il craint qu'on ne l'arrête à cause de lui, ou du moins d'être arrêté sous ses yeux. D'ailleurs, cette visite des voitures pouvait se renouveler dans toutes les villes. Ce voyage n'allait être qu'un long supplice. M. Duportail prit un autre parti. Le lendemain, à l'heure dite, il court à la voiture. Il expose ses raisons à sa femme, la supplie de lui céder à son tour et de partir tranquillement. Pour lui, à pied et déguisé, il passera très aisément les barrières, puis prendra des chevaux de poste et la rejoindra à Bordeaux ou même sur la route. Madame Duportail, frappée de l'obstacle, éclate en pleurs, fait jurer 100 fois son mari de veiller sur lui-même et part. À la barrière, en effet, la voiture fut brusquement arrêtée et les 2 portières ouvertes. L'affreux visage coiffé de bonnet rouge se montre des 2 côtés. « Une femme, » dit l'un. « Qui êtes-vous ? » dit l'autre. Madame Duportail tira son passeport. « Allez !» La voiture alla, et le cœur de Madame Duportail fut un peu dégonflé. Ce premier bonheur était de bon augure. Elle comptait sur l'adresse de son mari. À chaque instant, elle croyait l'entendre galoper derrière la voiture, qui heureusement était percée par derrière d'un petit carreau, d'où l'on pouvait regarder au loin sur la route. Coller l'œil à cette ouverture, bercer et caresser ses enfants, ce fut l'occupation de Madame Duportail durant tout le voyage. À Tours, nulle nouvelle de son mari. À Châtellerault, pas davantage. « Il m'aura dépassé, » se disait-elle. À Poitiers, elle s'informa dans l'auberge. On avait vu passer un cavalier fait de telle et telle manière. Madame Duportail remonte en voiture et crie au coucher « à Bordeaux, sans nous arrêter !» Elle arrive, elle va chez son père, qui se cachait lui-même. Elle court à lui les bras ouverts. « mon mari !»« Votre mari, malheureux enfant, ne savez-vous rien ? Il est arrêté. »« Arrêté ? Où ? À Paris, le 9 octobre. » C'était le jour même du départ de Madame Duportail. Elle allait tomber sous ce coup, mais elle se retourne. « Dites-moi tout, il est arrêté, mais il est encore vivant. » »« Oui, sans doute, mais tous les jours, ces monstres jugent, condamnent. » « Laissez les chevaux !» s'écria Madame Duportail. « Ou plutôt changez-les, je vais repartir. Il faut que je le sauve, je le sauverai. » La famille se récrie, on veut retarder cette résolution, s'informer, attendre, prendre avis de gens plus faibles et moins intéressés. mais on vit que la jeune femme était inébranlable. Toutefois, son père lui demanda le temps de lui procurer une lettre pour un membre de la Convention, fort influent, ami de Danton, alors ministre de la Justice. Madame du Portail prit la lettre. Son vieux père voulait lui-même partir avec elle. Elle refusa, laissa ses enfants, et la voilà de nouveau sur la route de Paris. 8 jours s'étaient écoulés depuis l'arrestation de son mari. Délai terrible en ce temps-là. En arrivant, elle s'informe. Le nom de du Portail n'a point paru sur les fatalistes qu'on crie dans les rues. Il n'a point paru dans les procès du tribunal révolutionnaire. Donc, son mari vit encore. Mais en même temps, elle apprend que les procédures se succèdent, que l'instrument du supplice suffit à peine à leur effroyable rapidité. Elle court, sans perdre de temps, chez le député de la Gironde, sa lettre à la main. Cette lettre, qu'elle avait lue et relue, était pressante. Elle partait de la main d'un ami du conventionnel qui le conjurait de mettre en œuvre tout son crédit auprès de Danton en faveur du sudit citoyen incarcéré. Le député n'était pas chez lui. Du moins, ce fut le mot d'une mégère qui habitait une sorte de tanière derrière la porte de la maison. « Je l'attendrai, » dit Madame du Portail. « À ton aise, où l'attendras-tu ? Ici même, » répliqua la jeune femme. Épouvantée du ton de cette femme et de ce tutoiement sauvage qu'elle n'avait pas encore entendu. « Sur le pavé. Il faut que tu sois une enragée d'aristocrate. Ils sont capables de tout. Nos députés auraient fort à faire s'il fallait écouter toutes les pleurnicheuses qui viennent soir et matin. » La cerbère femelle, trompée dans son dessein de congédier l'aristocrate, rentra en grommelant. Madame du Portail était en effet sur le pavé d'une cour étroite baignée de flaques d'eau et sous une pluie fine qui tombait depuis le matin. Cette situation d'une femme de sa condition qui attendait, non pas même dans une antichambre, mais dans une cour, et pour voir un homme, un inconnu. Cette situation, dis-je, l'eût accablée de honte, pour peu que son esprit troublé eût été capable de s'occuper d'autre chose que de l'objet de sa visite. Elle eut le temps, toutefois, de jeter les yeux sur sa personne. Courant depuis le matin dans les bouts de Paris, sa chaussure et le bas de sa robe étaient tout souillés. Elle portait encore son habit de voyage qui était fort en désordre, et d'ailleurs elle n'avait presque rien emporté dans la précipitation de son départ. Elle craignit un moment que son habillement n'inspirât que du mépris à son protecteur. Comme elle faisait cette réflexion, un homme descendit le perron de la cour, vêtu d'une lévite, coiffé avec soin, une liasse de papier dans une main, et de l'autre abritant sa coiffure avec son chapeau. « Tenez, le voilà, je m'étais trompé !» cria la portière en ricanant de peur d'être prise en faute. Madame du Portail devina d'un clin d'œil et aborda le député lui présentant sa lettre. Le conventionnel jette les yeux sur l'écriture et sur le visage de l'inconnu. Il lui fait signe de remonter le perron avec lui, le tout d'un certain air de contrainte. À couvert sous le vestibule, il ouvre la lettre et la lit rapidement. « Je vous prie de m'excuser, j'allais à la séance et je n'ai point de temps à perdre. » Mais voilà une lettre qui me dit qui vous êtes et qui m'oblige de faire pour vous tout ce qui dépendra de moi. » Il la prie de remonter l'escalier. On entre dans un appartement désordre mais élégant, encore tout meublé des insignes proscrits par la Révolution. Les cadres des tableaux sont surmontés d'armoiries. Quelques-uns de ces tableaux sont des sujets de dévotion. D'autres représentent des batailles où l'on voit des rois et des princes français. C'est tout le luxe d'une bonne maison du ci-devant régime. Le député présente un fauteuil et s'assied devant un bureau chargé de papiers, de journaux, de brochures de tout format. Madame, le citoyen Danton est, je crois, à la campagne en ce moment. Je vais vous donner une lettre pour lui. Vous la lui remettrez vous-même quand il sera de retour. Mais monsieur, c'est encore en retard. De peu de jours, madame. Mais monsieur, il voulait ajouter que l'échafaud n'attendait pas, et la voix s'éteignit dans sa gorge. De grosses larmes coulèrent sur ses joues. « Il sera peut-être ici demain, » dit le député en essayant une plume sur l'ongle de son pouce. Il se mit à écrire. Madame du Portail suivait des yeux cette plume qui courait en grinçant sur le papier, essuyant de temps en temps les pleurs qui noyaient son visage et contenant sur ses lèvres les sanglots dont elle était suffoquée. « Voilà, » dit le député en jetant sa plume. Puis, saupoudrant et pliant la lettre, « Mon ami sera content de moi. » « Je fais tout ce que je peux, comme il le demande. » Il se retourna avec un sourire de politesse. « Je suis trop heureux aussi de vous rendre ce petit service. Il reprit aussitôt son chapeau. Madame Duportail se leva, prit la lettre, puis tout à coup, joignant les mains et d'une voix étouffée, « Mon Dieu, monsieur, pensez-vous que le citoyen Danton pourra se laisser toucher, prendre pitié de moi ?» Le député la regarda, suspendit sa réponse, puis avec un imperceptible sourire, « Je n'en doute pas, madame. » Il fit un pas et se retourna. « Mais n'oubliez pas de lui remettre cette lettre vous-même. » Madame Duportail vit qu'il fallait sortir. Ils descendirent. Au bas du perron, le conventionnel lui fit un grand salut et traversa la cour rapidement. La jeune femme le suivait tout étourdie. Ce fut alors seulement qu'elle fut frappée du singulier regard de cet homme, dont le souvenir la glaça de crainte. Elle aurait pu n'y pas voir d'intention, mais cette phrase, après le regard, « N'oubliez pas de lui remettre cette lettre vous-même. » Elle se jeta dans la rue, sans savoir où elle allait. Son esprit fut rappelé par la voix d'un homme en guenilles qui criait « Ont été condamnés par la justice nationale les exécrables conspirateurs ci-dessus dénommés et qui seront aujourd'hui même ?» Madame Duportail connaissait ce cri. Elle tressaille, elle s'approche de cet homme, qui, pour une pièce de monnaie, lui livre un des imprimés qu'il tenait à la main et continue sa route en poussant sa criée funèbre. La jeune femme, à la même place, les bras raidis, les yeux fixes, laisse enfin tomber sur le papier sordide. C'est une liste de noms en majuscules, suivie de l'âge, de la qualité et du prétendu crime des malheureux qui les portent. Rien jusqu'au bas de la page. Madame Duportail tourna le feuillet d'une main convulsive. Le nom de ce mari n'était nulle part. Il vivait encore ce jour-là. Mais qui pouvait répondre du lendemain? On imagine comment cette malheureuse femme dut passer le reste de la journée. Elle employa son temps à se procurer des nouvelles, des renseignements sur la marge des procédures et sur les moyens de visiter les prisonniers. Son mari était renfermé dans la maison de l'oratoire. Le lendemain, dès le matin, elle alla chez Danton. Il était de trop bonne heure. Le citoyen ministre dormait encore. Les concierges renvoyèrent la pauvre femme en ricanant. Elle revint plus tard. Le citoyen ministre était parti. Où ? À Auteuil. Elle voulait l'y suivre, on se moque d'elle, et ce jour se passe encore. C'était comme le jour du supplice prolongé sans mesure. Elle consulte encore les papiers publics, elle va s'informer à la conciergerie. Le nom de Duportail ne paraissait nulle part. Le surlendemain, Madame Duportail changea de son mieux ses habits, afin de n'être point reconnue par les valets. Même réponse de leur part, ou du moins même résultat. Le citoyen ministre travaillait dans ses bureaux et il ne pouvait être dérangé. Madame Duportail attendit 4 heures dans un cabaret où la femme du logis vit bientôt qu'elle avait plus besoin de secours que des breuvages suspects qu'on débitait dans cet endroit. Sa jeunesse, sa beauté intéressèrent la marchande qui la mena dans sa chambre avec beaucoup d'égards. La nuit tombait. Madame Duportail reprend courage, remercie la femme charitable et retourne à la porte de l'hôtel. Les domestiques voulurent encore l'arrêter. Elle tire son papier avec la hardiesse du désespoir. C'est une lettre du citoyen R, député à la Convention, qui est fort pressé et qu'il faut que je remette moi-même. On la laisse passer, elle monte à tout hasard le grand escalier au fond de la cour. Il y avait grand bruit dans le vestibule. Les valets se croisaient précipitamment sur les degrés en s'appelant les uns les autres. Madame Duportail monte à la faveur du tumulte. Elle traverse une antichambre, puis une seconde, remplie d'autres domestiques, de vaisselle, d'après de table. C'est là qu'on se retourne et qu'on l'arrête. « Où allez-vous ? Qui êtes-vous ? » La jeune femme, sans répondre, presse le pas, pousse une porte et entrevoit une grande table, des lustres éclatants, des convives nombreux. Cette vue l'éblouit, elle s'arrête. Les domestiques l'entourent, l'écartent en criant « On ne conçoit pas ces façons d'agir ! Ne pouvez-vous avertir, dire qui vous êtes et ce que vous voulez ?» Au bruit, la porte de la salle à manger s'ouvrit tout à fait. Il parut un homme de grande taille, les épaules larges et hautes, les cheveux en désordre, et comme hérissé autour de sa tête, une serviette passée dans la boutonnière. « Qu'est-ce que c'est ?»« Citoyen ministre, c'est une femme. »« Eh bien, c'est une femme. Que lui veux-tu ? Il faut toujours les bien recevoir, les femmes. » Cet homme, malgré sa grosse voix, prenait le ton d'un convive débonnaire. Madame Duportail, les yeux baissés, lui présentait sa lettre. Il la prit et jeta les yeux. « Madame Duportail. Ah oui, mon cher collègue m'a déjà parlé de vous. Nous songeons à cette affaire. Vous savez, monsieur, combien elle est pressante ?» dit Madame Duportail d'une voix tremblante. « Oui, oui, madame, je sais. Danton la considérait en souriant avec ses petits yeux à demi fermés et comme perdus dans sa large face. « Monsieur, un mot de votre main. »« Sans doute, nous verrons. »« Mais que je ne vous laisse point là. »« Et Tony, je ne suis qu'avec des amis très proches, sans cérémonie. »« Donnez-vous la peine d'entrer. »« Une jolie femme n'est jamais de trop. » Il la prit par la main. Un nuage se répandit sur la vue de Madame de Portail en entrant dans cette salle où 10 hommes attablés tournèrent leur regard sur elle, mais les premières paroles lui donnaient de l'espérance et du courage. « Je vous présente, madame, » dit Danton en entrant, « les amis honorables dont je vous ai parlé, et qui seront charmés d'avoir le plaisir de vous voir. » Il présenta un siège à ses côtés que Madame du Portail recula vers la boiserie. « Quoi donc ? Si je vous en priais, ne feriez-vous pas l'honneur de souper avec nous ?» La jeune femme refusa d'un geste. Quelques convives paraissaient gênés de sa présence et recouvraient cette gêne d'un air d'indifférence farouche. D'autres jetaient sur elle des yeux railleurs qu'ils reportaient sur l'amphitryon. Tous, enfin, trouvèrent quelque intérêt à renouer la conversation qui roulait sur la politique du jour et qui, d'affectée qu'elle était d'abord, redevint bientôt sérieuse. Danton seulement se retournait de temps en temps pour dire « Je vous demande bien pardon, madame, je comptais que vous nous auriez accordé le souper avec nous. Ne prendrez-vous rien ?» En parlant ainsi, il se versait lui-même des rasades, tirant les bouteilles des mains du valet. Il buvait, puis tout à coup il rentrait dans la conversation avec sa voix mugissante qui couvrait tous les bruits. Un de ses contradicteurs, au contraire, affectait le calme, la contenance grave et la solennité dans le débit. Pourtant, les effets du vin et la discussion échauffant plus ou moins toutes les têtes, le vacarme grossit, les yeux s'enflammèrent et la dispute devint violente. « Quoi qu'il en soit, » s'écria l'un des convives en frappant sur son verre pour établir le silence, « quoi qu'il en soit, le plus urgent est à présent de nous unir pour choquer nos verres et confondre nos vœux comme de bons amis et de braves citoyens qui veulent tous le bien de la patrie. » « Je te reconnais bien là, toi, l'enragé modérateur, » lui répliqua Danton en éclatant de rire. « Tu me rappelles cet imbécile de l'amourette. » Et tu marierais comme dit Molière le grand turc et la République de Venise. Mais trinquons, si tu veux, puisque c'est un moyen de boire. Les verres se remplirent, on se leva. À Danton, dit d'une voix aigre le contradicteur gourmet, qui se levant, parut de petite taille, bien frisé, bien tiré, et tout joliment chassé dans son habit bleu barbeau. À Danton, dirent d'autres. Soyons francs et allons au but, interrompit brutalement un homme du bout de la table. Buvons à la République. « Tu as raison, le vasseur, » répliqua Danton, « à la République. » Les verres se choquèrent à ce cri, et le petit homme bien paré put cacher avec le sien la contraction légère qui fit trembler ses lèvres pâles. Puis Danton se retournant avec l'effusion de l'ivresse. « Ah, madame, pour cette fois, ne joindrez-vous pas vos vœux à ceux de ces braves gens? C'est un vin d'Espagne innocent. » Tous les yeux se reportèrent encore sur Madame du Portail qui défaillait sur le bord de son siège. Je soupçonne, dit un convive, avec une malice grossière, que la citoyenne n'a peur non du vin, mais de la santé qu'on porte. Ce mot la fit frémir et lui donna des forces. Je parie qu'elle ne boirait pas volontiers à la nation. Confondez ce mal appris, dit Danton brusquement. Montrez que vous êtes bonne patriote et digne de figurer à la table des principaux membres de la Convention. Qu'à cela ne tienne, monsieur, et s'il s'agit de boire à la nation, je boirai. Elle prit le verre et but. Et fut couverte de ces sauts applaudissements que donne si libéralement toute réunion de convives. « Ah ça, messieurs, » dit alors un jeune homme, autant pour mettre fin à cette scène que pour rompre la discussion qui l'avait précédée. « Ne croyez-vous pas que lorsqu'on a lu quelques centaines de gazettes le matin, quand on a paru à la séance, entendu les orateurs du club, et peut-être écrit, comme moi, une vingtaine de feuillets sur les événements, ne croyez-vous pas qu'on se soit raisonnablement et suffisamment occupé des affaires publiques pour un jour ?» Nous pourrions dire, avec plus de sens qu'Archélius, à demain les affaires sérieuses. Au milieu de ce train, la vie passe et la jeunesse ne se retrouve point. Qui sait d'ailleurs, nous n'avons pas de temps à perdre. Parlez-moi du monde, des plaisirs, des théâtres, c'est là ce qu'il nous faut à cette heure. Je gage que nous sommes tous d'accord sur la manière dont la Maillard a chanté hier dans l'opéra. L'as-tu entendu, Danton ? Oui. Tous les grains m'en dressaient sur la hure, comme tu dirais, toi. C'est unique combien la musique a d'effet sur moi. Je l'aime passionnément et je ne sais pas trois notes. Je me suis essayé pourtant dans ma jeunesse. On comptait qu'avec ma voix je ferais un beau chanteur, mais le ton dont je chantais fit retentir les bois. Tandis qu'on riait de la citation, il se penchait galamment vers Madame du Portail. On ne croirait jamais, n'est-il pas vrai, que j'ai sous mon épaisse encolure des nerfs si délicats, et surtout, ajouta-t-il d'un air pénétré, un cœur si sensible. Savez-vous chanter, madame ? Je savais, balbutia madame du Portail, du moins j'ai appris. Vous chantez ? Vous chantez ? Mais avec ce visage charmant, vous ne pouvez avoir qu'une voix divine. Je vous supplie de nous la faire entendre. Votre modestie m'assure de votre talent. D'ailleurs, dit-il, en se retournant vers les convives, cela nous épargnera les mortels couplets de Levasseur, qui sont inévitables au dessert. Attendu, madame, qu'il est assez mal élevé. Qu'on aille chercher une harpe. Levasseur entendait et riait. Madame du Portail s'efforçait inutilement de s'excuser. Elle pouvait à peine articuler ses paroles, et la voix de Danton tonnait près d'elle. Pâle, indignée, que de fois elle eût voulu voir s'entrouvrir la terre. Mais elle avait juré d'emporter de cette maison le papier précieux qui assurait la vie de son mari. On apporta la harpe. Danton renouvela ses instances, ne fût-ce, disait-il, que pour rappeler un souvenir des tables romaines. « Je vous prie de m'excuser, » dit enfin la jeune femme. « Pour refuser, je ne puis. »« Ah, madame, » reprit Danton en souriant, « prenez garde, c'est la première chose que je vous demande, moi. » Madame du Portail prit l'harpe. Elle préluda en tremblant, mais elle chanta, d'une voix assez assurée qui était belle en effet, une romance du temps. La plupart des convives gardaient une contenance assez gauche. Danton applaudissait, bâillait, se renversait sur sa chaise et semblait entrer en extase, d'autant plus qu'il avait beaucoup bu et qu'il buvait encore entre les couplets. Les convives qui avaient bu comme lui cessaient aussi de se contraindre. On applaudit la romance, mais elle donna lieu à je ne sais quelles basses équivoques que Madame du Portail ne comprit pas d'abord. La conversation s'animant sur ce ton, on ne garda plus de mesure. Madame du Portail se leva, prétexta qu'elle avait besoin d'air. « Eh bien oui, » dit Danton d'un air d'abandon, et sans se retourner, « qu'elle m'attend dans la pièce voisine. » Un valet la conduisit dans une grande salle obscure où elle put se soulager par un flot de larmes. Cette pièce était revêtue du haut en bas de casiers de chêne garnis de cartons étiquetés. Au milieu figurait un immense bureau regorgeant de paperasse. C'était apparemment le cabinet du citoyen ministre. On y voyait son mouchoir et sa tabatière sur le bureau et l'ampleur de sa lourde carrure encore marquée dans les coussins du fauteuil. Madame du Portail fit la réflexion que c'était sans doute sur cette table qu'il signait tant d'arrêts de mort et que peut-être ses cartons nombreux étaient remplis des projets d'assassinat qui frappaient tant de familles. Elle se retournait avec une vague terreur dans cette froide pièce. Tout à coup, elle tressaillit, sans pouvoir commander à ses nerfs irrités. Un grand bruit éclatait dans la salle à manger. C'étaient des cris, des chants, des éclats de rire, ou plutôt des rugissements. Le fracas des flacons brisés et de la porcelaine roulant pêle-mêle dans cette tempête. Ce vacarme dura longtemps, puis il s'apaisa peu à peu. Madame du Portail tira son chapelet de sa poche et demeura en prière. Elle était là depuis 2 heures et voyait avec frayeur tirer à sa fin la bougie qu'on lui avait laissée, quand un domestique entra portant un flambeau dans chaque main. Madame du Portail se leva. « Monsieur le ministre, il va venir, » dit cet homme. Il déposa ses 2 flambeaux et s'en alla. En même temps, par l'autre porte qui s'entrouvrit sous un choc, parut, appuyé au battant, un grand corps noir, épais, et qui semblait ramper en s'affaissant sur lui-même. Madame du Portail n'eut pas le temps de jeter un cri. Elle reconnut le citoyen ministre qui s'avança par un faux pas et tourna sur un pied. Il était sans cravate et les flots de sa chemise, toute souillée de vin, refluant désordre sur sa large poitrine. Il bâilla, il mugit sourdement, étira ses bras et les laissa retomber lourdement le long de son corps. « Ah, c'est toi, citoyenne !» À ce nouveau ton, Madame du Portail se sentit pénétrée d'épouvante jusque dans la moelle des os. Elle n'avait que trop pensé durant cette soirée d'angoisse à la phrase du député bordelais. Le citoyen ministre reprit en bégayant « Je mourrai d'apoplexie, c'est certain, si l'on m'en laisse le temps. Ces fins de souper ne me valent rien, et c'est la matinée qui est lourde ensuite. Ouf !» Mais Madame du Portail conçut une autre crainte qui varia sa torture. S'il était ivre, au point de ne pouvoir écrire, elle se rapprocha vivement. « Citoyen ministre, vous n'avez pas oublié la promesse que vous m'avez faite. » Il se laissa tomber de tout son poids dans une bergère, y rebondit et demeura renversé, les bras traînant à terre. « Hein ? Que dis-tu ? Cette lettre que vous deviez écrire, cette grâce que vous avez bien voulu m'accorder, à la recommandation du citoyen R. La vie de mon mari. Ah oui. Eh bien, il n'y a qu'à effacer son nom de la liste, c'est-à-dire l'ôter de l'alias. L'alias ? Reprit Madame du Portail, suspendue entre la mort et la vie. L'alias, où est-elle ? J'étouffe, de l'air. Madame du Portail courut entre-ouvrir la fenêtre. Elle n'osait toutefois approcher du monstre assoupi. Que ce Robespierre est un parfait scélérat. Il ne boit pas, lui. Du sang, oui. Baptiste, déchausse-moi. Monsieur, monsieur, reprit Madame du Portail, les mains jointes, cette liasse, ce papier, donnez-le-moi. Danton se renversa de l'autre côté d'un air d'impatience et de sa voix grondante. Ma foi, prends-le toi-même. Appelle Fouquier, c'est là qu'il les prend. Soulevant le bras, il montra d'un geste défaillant un compartiment des casiers. C'était encore un amas de papier à s'y perdre. Mais la jeune femme avait déjà poussé une échelle à roulette devant les rayons. Elle y monta sans bruit et dit en adoucissant sa voix. « Carton A, je te demande pardon, bel enfant, de l'espèce de gaieté où tu me vois. Le cœur n'y est pour rien. C'est égal. Je suis bien obligé à R de t'avoir envoyé. Encore un girondin, celui-là. Tu chantes divinement et tu es jolie comme un cœur. » Madame du Portail, palpitante, garda un moment le silence. Puis comme elle vit que le citoyen ministre retombait dans son accablement. « Carton B, comment s'appelle-t-il »« Du Portail. » Du portail, carton A, carton B, cherche donc au carton D. Que tu es bête, mon cœur, il s'appelle du portail. Tu m'amuses avec ton carton A. Il fit entendre un ricanement caverneux qui souleva son estomac et fit trembler la bergère. Le carton D était ouvert. Madame du portail y plonge les mains. C'était le dossier des ordres d'accusation rangés feuille à feuille et qu'on livrait en effet à l'accusateur public dans la succession voulue par les comités ou par le ministre. La jeune femme saisit le dossier. Elle attache sa vue sur le premier feuillet, le soulève, du portail. Ce nom était le second, et son mari marchait à l'échafaud le lendemain. Elle prend ce papier, le froisse dans sa main, le serre contre sa poitrine et regarde du haut de son échelle Danton dans son fauteuil. Il était immobile et ne parlait plus. Elle descend, elle allait le remercier, mais elle voit qu'il a fermé les yeux. Par une inspiration du ciel, elle se ravise, se glisse vers la porte entrouverte et disparaît. Un domestique l'éclaire. Danton, demeuré seul, soupire, l'air vif de la fenêtre le ranime. Il rouvre les yeux et tend les bras. « Citoyenne, la belle enfant, hein, tu ne dis mot ?» Il se lève. « Où es-tu ? » Il fait en chancelant quelques pas dans la salle. « Bon, elle n'est plus là, Baptiste !» Baptiste, revenu à son poste, rentra. « Couche-moi. » Le domestique le prend en bras le corps, le mène dans sa chambre et le couche. Il ne fut pas difficile le lendemain de faire lever l'écrou de Monsieur du Portail. Voilà les deux époux sur la route de Bordeaux, et réunis à leur famille. Ils retournèrent aussitôt dans les colonies jusqu'à la Restauration. Madame du Portail vit encore à Blois, âgée de 73 ans. Ainsi s'achève le carton D par Édouard Ourliac.